Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage », une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a ces histoires complexes qui ne passent pas et des commémorations difficiles, et l'esclavage comme un système cruel et fondateur dont certains se sont émancipés. Alors pour commencer, les personnages. Des historiens avec des yeux neufs, des abolitionnistes, des esclaves guerriers, Toussaint Louverture, Victor Hugues, Napoléon Bonaparte l'esclavagiste et Lucille qui porte plainte. Ensuite, le décor. Saint-Domingue, des clubs, des arrestations, la Révolution, les droits de l'homme, la Guadeloupe, une libération par les armes, une fausse abolition, le marronnage, la résistance et Haïti. Aujourd'hui, deuxième épisode, il y a une voix. Allez, oulé, oulé. On a longtemps considéré l'abolition de l'esclavage comme le fruit du combat des philanthropes et des abolitionnistes européens, et limité la résistance des esclaves à leur fuite de la plantation, le marronnage. En ne valorisant pas le rôle important joué par les esclaves, on les privait une fois encore de leur humanité, au point de générer la colère des afro-descendants et de tous ceux qui ne pouvaient se satisfaire d'une histoire où tous les héros sont blancs. Une lecture d'autant plus insupportable aujourd'hui, alors que la hiérarchie socio-raciale imposée par la société esclavagiste a posé les germes d'un fléau vivace, le racisme. Depuis quelques années, enfin, des visages de la révolte se font jour. L'esclave romain qui déstabilisa le pouvoir colonial en Martinique en jouant du tambour, la rébellion du libre de couleur d'Elgrès contre les troupes napoléoniennes en Guadeloupe ou encore le sacrifice, les armes à la main, de la mulâtresse Solitude. Pourtant, des révoltes d'esclaves ont éclaté dès les prémices de la traite, même si on peut observer que c'est surtout après la guerre de 7 ans, en 1763, que les mouvements d'émancipation des esclaves redoublent dans les Antilles comme dans le reste du monde colonial. Et pour cause, la guerre a vidé les trésors royaux français, anglais et espagnols, et il faut remplir les caisses des États esclavagistes, donc accroître la productivité de ces colonies, coûte que coûte. On parle toujours des ordonnances de 1784 à 1785, le roi qui s'émeut de la situation des esclaves et qui effectivement demande qu'on ne fasse pas travailler les femmes enceintes beaucoup moins, un peu le matin, un peu le soir, que l'on prenne en compte les femmes qui ont eu plusieurs enfants, que l'on nourrisse bien les esclaves. Voilà. On voit bien qu'il y a, dans cette fin du XVIIIe siècle, une volonté légale, une volonté de l'État d'améliorer les choses. Mais la réalité, c'est qu'il y a une intensification de la production qui fait qu'effectivement les conditions de travail sont beaucoup plus difficiles. Et Saint-Domingue va devenir la première colonie au monde, la plus riche, la plus prospère. Ils vont introduire massivement des centaines de milliers d'esclaves à Saint-Domingue. Et c'est par hasard que la révolution va commencer à Saint-Domingue. C'est là que la première libération des esclaves qui va aboutir à la première abolition de l'esclavage, c'est Saint-Domingue. Entre deux abolitions, l'émancipation des esclaves. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, Diffy Mariani. Au début, ceux qui sont abolitionnistes sont minoritaires. Brissot, le secrétaire général de la Société des Amis des Noirs, apparaît comme un farfelu. Éric Noël. Apparaît comme un dangereux idéologue qui veut, d'un claquement de doigts, faire disparaître l'esclavage, alors qu'il ne voit pas que derrière, c'est tout un pan de l'économie française qui va sombrer, puisque un tiers de la fortune française est, comme on disait à l'époque, coloniale. L'argent venait largement du sucre, du café et du reste. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée fantaisiste ? Le lobby colonial, vous savez, il n'est pas que dans les îles. Il a ses relais à Paris, il a ses relais à Versailles, et qui sont là pour asseoir un système et non pas le détruire. René Bélénus. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on rentre dans la période révolutionnaire. Les années 1787-88, ça commence un petit peu à fourmiller un petit peu de partout. On voit par exemple que la création de la Société des Amis des Noirs, ce sont des gens qui commencent à critiquer le mode de production esclavagiste et le traitement qui est fait aux esclaves. Mais ça reste très limitée. Et puis, vous avez des clubs qui vont s'instaurer contre eux. La Société des Amis des Noirs, elle est composée de gens aux idées nouvelles qui peuvent être issus du monde des lettres, du monde des arts. Il y a quelques députés parmi eux. Ce ne sont pas des gens riches, forcément. Et je dis ceci parce que le club qui se crée par réaction et qu'on appelle le club Massiac, du nom de celui qui offre son hôtel particulier pour les réunions de cette assemblée, n'est composé que de colons. Et les colons sont des gens généralement riches et qui, par leur fortune et par la force de leur lobbying, vont contribuer à bloquer toute avancée à l'assemblée. Bloquer les ports pour empêcher que les lois soient connues de l'autre côté de l'Atlantique, cueillir les libres de couleur qui pourraient rentrer des îles en France en les saisissant dès l'arrivée dans les ports, ils ont fondé des bébés massiaques, si on peut dire, c'est-à-dire des petits clubs locaux au Havre, à La Rochelle, à Bordeaux, qui exercent un contrôle d'autant plus fort sur les navires à l'arrivée des colonies que les milieux colons sont très liés aux milieux d'armateurs. Donc finalement, ils empêchent très longtemps l'émancipation. Et... une certaine déclaration des droits de l'homme d'un 26 août 1789 finit par arriver contre vents et marées dans les îles et l'événement de Paris va déclencher en cascade des demandes d'émancipatrices. Je pense que le ferment d'idées lié à la Révolution française va créer un contexte. Dominique Rogers. N'oublions pas qu'il y a tous ces esclaves qui sont domestiques, tous ces esclaves qui sont en lien avec les villes, les esclaves marins dans les bateaux savent ce qui se passe, ils font passer les nouvelles. Et des campagnes aux villes, il y a des liens et donc en fait l'information elle passe. Les maîtres parlent devant les esclaves en se disant de toute façon ils sont passifs, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien, mais les esclaves ils entendent liberté, liberté. Et liberté, même si c'est peut-être une idée neuve, ça a un sens. Et donc ils se disent qu'effectivement ils se sentent aussi concernés. Donc il y a, voilà, la révolte de Saint-Domingue, si on est vraiment, à mon avis, si on veut la comprendre dans sa complexité, elle commence en 1788, dès l'annonce des états généraux, la rédaction des cahiers de doléances et l'aspiration de la population domingoise de pouvoir jouer son rôle. Donc le processus commence très tôt en fait. Il y a d'abord une révolution blanche, il ne faut pas l'oublier. Les colons ont été les grands oubliés de la convocation des États généraux. Ils veulent exister aussi à l'Assemblée nationale. Ils réclament des députés qu'ils finissent par obtenir dans l'année 89 et début 90. Résultat, puisque les Blancs ont pu obtenir les pleins droits et une représentation, ceux qu'on appelle les libres de couleur, c'est-à-dire la catégorie intermédiaire de gens d'origine de couleur et blanche, métisse, émancipés au sens où ils sont libres de leur personne mais sans possibilité de droit de voter, réclament à leur tour les mêmes droits de vote et de représentation que les Blancs. Reste la masse, la grande majorité de la population, pour ne pas dire les 9/10, qui veut la même chose. On a un déséquilibre de population extrêmement important. On a à peu près 500 000 d'esclaves contre 27-28 000 Blancs. On a dans cette population esclave aussi une composante spécifique qui est une composante africaine. Dans les années 1780, on a 20 000 à peu près esclaves africains qui arrivent chaque année, ce qui quand même est énorme. Mais ce qui a fait la différence à Saint-Domingue, c'est que les esclaves qui sont déportés à Saint-Domingue, ce sont des guerriers. Notamment les Congos, qui ont quand même 30 ans de guerre et qui sont donc organisés, efficaces et qui non seulement eux savent ce qu'est la liberté, mais ils savent aussi ce que c'est que se battre pour la liberté. En 1791, en quelques jours, l'ensemble de la partie nord de Saint-Domingue est détruit. La carte est peut-être un peu forte, mais systématiquement, tout ce qui est l'appareil sucrier de la partie nord est détruit de manière systématique. Ils tuent les propriétaires terriens, pas tous, il y en a qui réussissent à s'enfuir, mais ce qui est impressionnant, c'est ce caractère systématique. En quelques jours, ils vont réussir à tout détruire. Ils marquent un coup d'arrêt de la production sucrière. Puis au bout de quelques mois, il y a qu'est-ce qu'on fait ? On se révolte, d'accord, mais pour obtenir quoi ? Et là, il y a un premier moment où il y a les chefs qui vont se dire, on fait comme on fait d'habitude, on négocie quelque chose qui nous arrange, et puis tout le monde revient sur les ateliers, et là, il y a un refus de la masse. Ça, c'est une première étape importante. Et donc, parallèlement à ce mouvement qui se poursuit, il y a la réaction à la fois des colons qui se rendent compte qu'ils sont en train de tout perdre et qu'il faut essayer de trouver des solutions alternatives, peut-être s'allier avec les libres de couleur, essayer de reprendre la main. Et puis surtout, il y a les esclaves qui vont se rallier aux Espagnols, les Espagnols qui occupent l'île, les Anglais qui débarquent appelés par les colons de la partie ouest. Et il y a la France qui voit que l'île de Saint-Domingue, sa perle des Antilles, est en train de, va être mangée par ses rivaux européens et qu'il faut faire quelque chose. Un phénomène important dans le calendrier révolutionnaire, c'est l'exécution de Louis XVI. La mort de Louis XVI est capitale parce qu'elle met à dos de la France toute l'Europe couronnée, y compris les Anglais qui avaient plutôt trouvé un certain bonheur à voir la France s'affaiblir pour leur propre réussite, à eux. L'Angleterre va avec les autres pays voisins, Pays-Bas du Nord, Espagne, etc., prendre la tête d'une coalition, c'est très important, qui va justement menacer l'empire colonial français. La République, puisqu'on est dans une France devenue républicaine, va se retrouver dans la situation de devoir défendre ses colonies. Et c'est ainsi que les esclaves trouvent l'opportunité de rendre un service, celui de sauver les îles à la République, qui en contrepartie va être une exigence de liberté. Les esclaves, pour avoir sauvé Saint-Domingue en particulier de l'invasion anglaise, vont devenir donc des citoyens à part entière. Alors il y a une splendide peinture qui représente Jean-Baptiste Bellé, le premier député noir issu de l'esclavage, d'origine sénégalaise, et qui commence son fameux discours par « J'ai vécu 30 ans sous les chaînes », mais à la sueur de son travail, il a donc pu obtenir cette liberté et a connu cette ascension qui en a fait le premier député. Donc il vient consacrer finalement ce qui a été arraché à Saint-Domingue sur les bancs de l'Assemblée nationale, qui est donc devenue la Convention. À Saint-Domingue, le processus d'émancipation a poursuivi sa lancée et le gouverneur Lavaux, le dernier gouverneur blanc, a été amené à céder la place à Toussaint Louverture, gouverneur issu de l'esclavage mais libre, qui du coup a pris les pleins pouvoirs pour faire naître un État libre et indépendant. Et la Guadeloupe est dans une situation un petit peu intermédiaire. Si les esclaves de Saint-Domingue ont gagné de haute lutte le droit à la liberté, la situation est bien différente dans les petites Antilles où se trouvent deux autres possessions importantes de la production sucrière française, la Martinique et la Guadeloupe. Les rivaux anglais n'ont pas manqué de faire la publicité des conséquences de l'abolition française sur les bénéfices des propriétaires d'esclaves. Résultat, les planteurs martiniquais accueillent à bras ouverts les Britanniques sur leur île, dans le but de préserver leurs intérêts. Les Anglais vont parvenir à repousser une armée française, composée d'un bon millier de sans-culottes et enrichie de plusieurs centaines d'esclaves désireux de propager l'abolition. Une armée finalement décimée par les Anglais, qui fera que la Martinique sera l'une des rares colonies françaises à ne pas avoir connu l'abolition de 1794. En Guadeloupe, l'île est également aux mains des Anglais. Et c'est par les armes que le droit à la liberté, pourtant acté à Paris, va être définitivement arraché. Février 1994, la Convention abolit l'esclavage. Elle nomme un commissaire, qui s'appelle Victor Hugues, qui est un ancien colon de Saint-Domingue. Mais la révolution de 1791, il a tout perdu. C'est un aigri, un revanchard. Il se rapproche de Barra, il se rapproche des gens comme Robespierre pour se faire nommer commissaire en Guadeloupe. Et c'est lui qui est porteur du décret d'abolition. Il va débarquer à Gauzier et de Gauzier, il va occuper le fort Fleur d'Épée. Le fort Fleur d'Épée qui est celui qui contrôle l'entrée de Pointe-à-Pitre. Gérard Lafleur. Il fait connaître à ce moment-là aux esclaves de la Grande Terre qu'ils sont libres, qu'il a le décret d'abolition, et il les intègre à l'armée qui vient de métropole. Et ensemble, ils vont réussir à chasser les Anglais et leurs alliés français de Pointe-à-Pitre, et grâce aux connaissances de ces nouveaux libres, il va pouvoir encercler les Anglais qui sont de l'autre côté de la rivière Salée. Et donc, Anglais et alliés français sont encerclés et Victor Hugues fait savoir au général Graham, le général des Anglais, il leur dit qu'il les laisse partir, mais à condition qui leur livre les Français qui sont avec lui. Donc le général Graham, pour sauver ses troupes, il va désarmer les Français, il va les abandonner et ils vont rejoindre l'escadre anglaise qui les attend. Et ainsi, la Guadeloupe maintenant est française et c'est à partir de cette Guadeloupe que vont partir toutes les expéditions en direction des différentes îles pour libérer Saint-Eustache, pour libérer Saint-Martin, pour libérer Sainte-Lucie, et puis également attaquer la Dominique, la Martinique, etc. Et ce Victor Hugues, qui cherche, ni plus ni moins, à refaire sa fortune, il va mettre le pays au pas. C'est un dictateur, on l'appelle le Robespierre des Antilles. Il fait venir une guillotine qui passe de commune en commune, il coupe la tête de 3000 personnes en Guadeloupe. Et surtout les Blancs. Surtout les Blancs. Mais pas seulement les Blancs. Tous ceux qui lui résistent. Et écoutez bien, le 6 juin, il proclame le texte de la Convention, abolition de l'esclavage. Et le 7 juin, il instaure le travail forcé. Moi, j'appelle ça la vraie fausse abolition. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à convaincre les gens que la première abolition, elle est bidon. C'est faux. Les gens n'ont pas été libres. On les a confinés sur les habitations. Et pendant 8 ans, ils sont confinés sur les habitations. Ils ne sont pas libres. Je dirais que le plus important, c'est que dans la tête des gens, il y a une prise de conscience que la liberté est possible et qu'ils ont le droit de choisir leur vie. Le paysan haïtien qui, à partir du moment où l'abolition a eu lieu, a eu son fusil, il a conscience que c'est un homme libre. Toussaint qui met en place des contrôleurs avec parfois brutaux sur ses implantations, les membres de l'atelier assassinent à plusieurs reprises ces nouveaux exploitants. Et ils ne sont pas punis. Il y a une prise de conscience qu'ils peuvent le faire et qu'ils s'en donnent les moyens. Et c'est d'ailleurs le moment où on veut leur enlever ces fusils qui sont symboles, quelque part, de cette liberté. Ils reprennent le combat. Donc je pense que pour les gens, il y a une conscience que quelque chose a été fait. Ce n'est pas complet, ce n'est pas parfait, la citoyenneté n'est pas complète. Mais regardez la difficulté pour la France. La nuit du 4 août, soi-disant abolition des privilèges, mais on sait bien que le processus, il faut attendre 93-94 pour avoir vraiment où on est sur l'égalité. Et la difficulté, même la résistance des élites, d'une partie de la population, à ces changements qui... Voilà, c'est énorme ce qui se passe entre 89 et 99. Imaginez ce que ça peut être dans une colonie avec des esclaves qui sont dans des situations encore plus difficiles. Oui, alors on a aboli, on a fait un beau papier, ça a été proclamé en créole, ça a été proclamé en français, et les gens se sont saisis de ça. Et c'est dans cette abolition de 94 que se trouvent aussi les germes de la décision d'aller jusqu'à l'indépendance. Qu'elle soit vraie ou fausse, cette abolition n'est que la première pour la France. Seule puissance du monde colonial à avoir connu deux abolitions, puisque 8 ans après celle de 1794, en 1802, Napoléon Bonaparte va rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Ce retour à l'ancien régime, s'il marque un durcissement du système, témoigne aussi d'une espérance de liberté accrue chez les esclaves depuis la révolte de Saint-Domingue. Incendie, suicide, empoisonnement, petit ou grand marronnage qui conduit à l'édification de micro-sociétés autonomes, mais aussi lenteur au travail, pratique du chant ou de la danse. La résistance des esclaves doit développer nécessairement différentes formes, qu'elles soient actives ou passives. Dès le consulat, voyez le vieux lobby colonial qui travaillait du temps de Louis XVI, qui voit monter au créneau et qui entoure Bonaparte et qui va expliquer les expéditions punitives qui sont envoyés aux Antilles, parce qu'ils lui font comprendre, coûte que coûte, qu'il faut reprendre les îles et recommencer la production sucrière. Vous avez énormément de gens qui ont servi du temps de Louis XVI et qui reprennent du service. L'intérêt de la France, le sucre, s'il n'y avait pas les esclaves, bon. Le général Delozière lisait ses écrits, c'est d'un racisme virulent contre les Noirs, donc... Il y a en plus ça qui s'instaure. Les événements de mai, surtout de juillet 1802, le rétablissement de l'esclavage, fait prendre conscience à la population domingoise que contrairement à ce qui était dit, Napoléon Bonaparte ne souhaite pas simplement changer, reprendre la main en tant que consul et en tant qu'effectivement chef d'État français, mais qu'il y a un autre projet et qui est celui de la réinstauration de l'esclavage. Là, à partir de ce moment-là, ils savent qu'il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, c'est un combat à mort, en quelque sorte. Alors, si on est objectif, il faut dire deux choses. Les troupes qui sont envoyées, ce sont des troupes d'élite, ce sont des gens aguerris. Ils vont être opposés à des gens extrêmement déterminés. La liberté ou la mort, c'est le slogan de l'époque. Mais aussi, il faut reconnaître le rôle de la fièvre jaune, qui fait qu'effectivement, les troupes ne tiennent pas. Troisième chose, c'est que malgré le régime de terreur, il y a peu à peu la prise de conscience par les troupes napoléoniennes que, contrairement à ce qu'on leur a dit, ce n'est pas un combat contre la barbarie, ce n'est pas un combat contre des fauves, c'est un combat par des hommes qui, comme eux, sont animés par des idéaux de liberté, qui se défendent en tant que citoyens et qui veulent qu'on respecte les droits de l'homme. Il y a un doute qui s'insère dans les troupes de Napoléon Bonaparte et qui vont reconnaître finalement la noblesse du combat de ces hommes et de ces femmes dans la Révolution haïtienne. Et donc tout ça fait effectivement qu'il y a un retournement qui va assurer la victoire des troupes noires contre les troupes napoléoniennes. Le processus haïtien a une incidence sur ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique, notamment sur les populations libres de couleur, là où il y en a encore, des soldats guadeloupéens, de la garde prétorienne de Victor Hugues, etc. Tous ces gens-là vont effectivement aspirer à garder leur citoyenneté. Et ce qui se passe à Saint-Domingue enrichit, attise, renforce le désir de ceux qui sont devenus les élites noires des colonies françaises de pouvoir avoir une participation au pouvoir beaucoup plus grande. Vous savez, nègre a dirigé la Guadeloupe. Nègre qui dirigeait encore la Guadeloupe. En tant qu'amitié Frassens, membre à gouvernement. En tant qu'amitié Bovis, membre à gouvernement. En tant qu'amitié Prod, membre à gouvernement. En tant qu'amitié Ignace, commandant à fort de la victoire. En tant qu'amitié L'armée coloniale fut un véritable moteur de l'ascension socio-économique des libres de couleur, qui ont pris conscience de leur poids politique. En Guadeloupe, le 21 octobre 1801, des officiers libres de couleur mènent une fronde contre le gouverneur Lacrosse, qui a multiplié les vexations contre eux. Les rebelles ne tardent pas à expulser le représentant du pouvoir colonial et instaurer le premier gouvernement noir de la Guadeloupe. En tant qu'amitié Delgrès, commandant à Fort Saint-Charles, en tant qu'amitié Massoto, commandant à la place Bastet. Quelques mois plus tard, en mai 1802, Bonaparte envoie le tyrannique Richepanse dans l'espoir de rétablir le pouvoir de la Crosse en Guadeloupe. Dégradés libres de couleur résistent, une fois encore, notamment les officiers Ignace et Delgrès, qui ne veulent pas d'un retour à l'ancien régime. Cette guerre, dit guerre de Guadeloupe de 1802, menée au nom des idéaux de la République par une minorité de soldats libres de couleur et quelques centaines de civils, n'a toutefois rien de commun avec une révolte d'esclaves, telle celle que connut Saint-Domingue. Parce que contrairement à Saint-Domingue, il n'y a pas eu de soulèvement général. Il n'y a pas eu de soulèvement général. Trois mois après les événements de 1802, dit les habitations, tous les esclaves sont là, sont présents, ça veut dire qu'ils ne se sont pas battus. C'est l'armée qui se bat. Les militaires qui suivent leurs officiers mulâtres. Ce sont eux qui se battent. Vous voyez là l'échancrure dans la côte. Là, c'est là le fort. Le fort est là et il y a le galion, qui est la rivière Le Galion, qui passe le long et qui coupe, qui fait la limite entre la commune de Gourbert et la commune de Saint-Claude. Et donc, quand le 22 mai, Louis Delgrès est parti du fort avec tous ceux qui étaient avec lui. Il est parti au bord de mer, vous voyez. Il est passé derrière le Houellemont que vous voyez là ici. Et il est monté sur ce qu'on appelle le vent soufflé. Vous voyez cette montagne avec deux pics. Et ils sont passés derrière. Et ils sont passés sur le palmiste. Vous voyez le plateau qui est là en face. Et ils sont descendus sur ce qui est actuellement Saint-Claude. Ils ont traversé le pont et ils sont allés sur Matouba. Le site de l'habitation d'Anglemont, où s'est suicidé Delgrès et ses compagnons. Voilà, l'habitation d'Anglemont, elle était là, ici, vous voyez, face à la mer. Il y avait un rez-de-chaussée en maçonnerie et un étage en bois. Et avec, disons, un canal qui passait au bord de l'habitation. C'est une zone stratégique, en définitive. Richepanse avait fait installer donc un canon devant le pont de Nozières. Il avait fait installer des canons du côté de Baïf. Et là, ici, il y a un passage également, l'ancienne route qui descend dans la rivière en zigzag. Et donc, il avait fait également poster des gens pour empêcher les insurgés de partir. Et donc, ces troupes de Delgrès, le général Ménard a laissé un long rapport là-dessus. Il dit qu'ils combattaient terriblement, que c'était des bons soldats, valeureux, etc. Et ils combattaient en vivre libre ou mourir. Progressivement, ils ont été repoussés jusqu'ici, dans l'habitation d'Anglemont. Delgrès, qui avait été blessé au genou, avait préparé l'assaut final. Il avait libéré des blancs qui étaient prisonniers dans le sous-sol. Il a entassé toute la poudre qu'il avait dans le sous-sol et il a fait faire une traînée de poudre jusqu'au salon. Il a donné un coup de pied au brasero qui a enflammé la poudre et qui a fait exploser tout le monde. Alors, il y avait des espions qui étaient parmi Delgrès qui ont dit qu'au moment où ça arrivait, ils se tenaient la main en se disant « vivre libre ou mourir, vivre libre ou mourir ». Alors, le général Ménard qui est arrivé le premier sur les lieux a dit qu'il y avait 400 à 500 personnes, donc beaucoup de femmes et d'enfants. Et les historiens suivants, que ce soit Lacour, que ce soit Boyer-Perello, etc., ont plutôt parlé de 300 personnes. Et les autres, eh bien, ils restaient, les femmes, les enfants, les blessés, et tout cela, se sont suicidés et sont morts ici, à cet endroit. On ne sait pas où se trouve le corps de Delgrès, ni ceux qui sont morts avec lui. Delgrès, c'était un homme à promesse. C'était un homme qui était qu'à respecter nègre et puis négresse. C'était un homme qui tenait en pile adresse. C'était un homme qui fait en pile prouesse. C'était un homme à en pile vitesse. Guadeloupe, ils ont échoué, je pense, à réussir. Oui, je pense avait déjà fait pas mal de répression. Il y a l'épisode du Matouba où Delgrès s'est fait sauter, d'accord. Il y a les massacres de Bainbridge, il y a les fusillades de Fouloyol, il y a pas mal de morts. Vous avez près de 500 rebelles qui sont pendus et qui laissent dessécher sur les gibets. Bon, donc, je pense à sa part de cruauté. Sur place, il fait appliquer le décret du 17 juillet qui rétablit la possibilité de vendre des noirs, la possibilité de... Bon, on revient à l'ancien régime. De facto, il rétablit l'esclavage. On ne peut pas contester ça. En plus, quand il meurt, c'est la crosse. Et la crosse, c'est encore pire. La crosse va créer un corps de chasseurs des bois avec des chiens pour aller poursuivre tous les rebelles qui étaient dans les bois. Et la Guadeloupe, c'est terminé. Hein. Là, jusqu'en 1848, c'est terminé. Là, vous allez avoir un certain nombre de révoltes en Martinique dans les années 1820-1830. En Guadeloupe, plus rien. Plus rien. Une ville comme Basse-Terre, qui a accueilli pratiquement tous les combats en 1802, ça devient une ville de garnison. Vous avez 3000 militaires à Basse-Terre. C'est tenu. C'est là que le syndrome haïtien est fort. Parce que les maîtres, ils ont une peur bleue d'une nouvelle révolte. Ils ont peur de ce qui s'est passé à Saint-Domingue et arrive ici. Donc la Guadeloupe, c'est vraiment une île qui est verrouillée, bridée. Jusqu'à l'abolition de 1848, il n'y a plus rien. Plus de révolte, plus rien. Si l'armée napoléonienne parvient à vaincre Delgrès et les siens et à rétablir l'esclavage en Guadeloupe, elle ne connaîtra pas la même issue à Saint-Domingue. Depuis la révolution des esclaves de 1791, la plus vaste des conquêtes coloniales antillaises évoluait dans un régime de quasi-indépendance vis-à-vis de la France. Aussi, quand Napoléon expédie le général Leclerc pour y rétablir l'esclavage en février 1802, celui-ci réussit d'abord à vaincre les généraux aux ordres de Toussaint Louverture, alors au pouvoir. Mais c'était sans compter sur la fièvre jaune, l'écho de la déportation de Toussaint Louverture en France, mais aussi celui du rétablissement brutal de l'esclavage dans l'île voisine de la Guadeloupe, ou encore l'extrême cruauté du corps expéditionnaire français qui ravive aussitôt les braises de la Révolution. Napoléon va subir sa première défaite à Saint-Domingue et même à Athée en voulant reprendre son contrôle l'indépendance totale et définitive de la perle des Antilles françaises. Le 1er janvier 1804, c'est effectivement la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Et donc le moment où le processus révolutionnaire est a priori achevé, les Français sont expulsés et où une nouvelle aventure commence en fait. De manière symbolique, il y a un changement de nom. On proclame la République d'Haïti, on reprend le nom amérindien. Ensuite, la dynamique abolition de l'esclavage, elle est extraordinaire pour l'ensemble de la zone Caraïbe. Un des impacts qui est peut-être pas le plus intéressant, mais un qui est aussi très intéressant, c'est que la proclamation de l'indépendance en 1804 est extrêmement importante. Elle a une incidence directe sur l'abolition de la traite en Angleterre. Un des grands journaux de l'époque titre que nous avons la preuve qu'effectivement, on ne peut, il ne faut pas continuer à faire venir des esclaves africains, parce que quand on a des esclaves, ce sont des barbares et ils sont capables de mener une révolte réussie. Que donc, il faut cesser la traite. Dernier, peut-être pas le moindre, Saint-Domingue, c'est un phare. Ça a été un phare pour les populations noires de manière immédiate, mais ça a été aussi un phare pour les libres de couleur. On l'oublie, c'est une alliance des libres de couleur et des esclaves qui permettent le succès de la Révolution. Il y a quelque chose qui se passe là, symboliquement. C'est la seule République noire qui existe. C'est le seul territoire où des Noirs ont réussi une révolte contre des colons blancs. Et donc, elle représente une aspiration. On voit très bien qu'après 1802, il y a une prise de conscience d'un côté de la métropole, mais surtout du côté aussi des colons, qui resserrent le système dans les petites Antilles, qui vont être beaucoup plus durs, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils savent que c'est possible. Ils croyaient que ça n'était pas possible, maintenant ils savent que c'est possible. L'État va plutôt faire des démarches qui vont vers essayer d'adoucir, d'adapter le système, de prendre en compte la réalité et d'avancer. Et les colons des petites Antilles vont au contraire essayer de fermer pour préserver leur idéal de vie, leur modèle social. Mon nom est Lucille. J'appartiens à Jean-Baptiste Douillard-Mahaudière, habitant propriétaire d'une sucrerie à Lens-Bertrand, Guadeloupe. Il y a 2 ans, autour de l'été 1838, je suis tombée en disgrâce. Des rumeurs d'empoisonnement ont couru à mon sujet et mon maître m'a enfermée dans le cachot de l'habitation, où je suis restée durant 2 années. Lucille est une esclave qui, quand même, a un statut privilégié, une condition privilégiée, devrais-je dire, par rapport à un esclave des champs. On dit bien qu'elle soigne le maître dans ses maladies, donc c'est une esclave de maison, esclave de la grande casse. Une lettre anonyme dénonçant la cruauté de ma situation a été adressée au tribunal de la Pointe-à-Pitre, à Monsieur Marais, procureur du roi. Mon maître a été traduit devant la cour d'assises en octobre 1840. 8 ans avant le décret de 1848, ce procès est passé à la postérité pour avoir servi la cause abolitionniste. On a, à partir de 1840, toute une série de nouvelles lois, de nouvelles ordonnances qui vont donner à l'esclave des possibilités d'aller en justice. Et c'est ce contexte qui est celui dans lequel a lieu l'affaire Lucille. Plus on va dans le siècle, plus les esclaves utilisent cette possibilité de pouvoir effectivement dénoncer. On a 14 esclaves dans l'affaire Le Jeune qui dénoncent les sévices faits par à Saint-Domingue, faits par leur maître. On a des esclaves de Guyane qui descendent tous en pirogue pour aller voir le procureur de Cayenne pour dénoncer ce qui se passe sur leur habitation. On a des gens qui des hommes et des femmes. Oui, ils sont de conditions serviles. Mais oui, ce sont des qui dénoncent une situation qui est inacceptable et qui vont voir la justice. Et ils exercent leur humanité pour dire « on n'est pas d'accord, et bien on va le dire ». En prenant un risque, on est tout à fait d'accord, mais ils le prennent. « Bel y a moun ki moun, famille, l'humanité, ou c'est un moun, sur que point, tout son café, qu'a resté dans la filialité ». Mon maître m'accuse d'avoir tué 280 bêtes et 4 esclaves. Annette, la lessivière de la sucrerie, a dit au tribunal que la mortalité des noirs et des bestiaux cessa dès que je fus entrée au cachot. Tous les esclaves, Albert, Andrèse, Saint-Germain, Petit François, Marie-Thérèse, ils ont tous témoigné contre moi. Mais tous ces bruits sont des faussetés. Et mon maître a bien dit qu'il n'avait aucune preuve matérielle. Dans une situation comme celle-là, si vous aviez la possibilité de survivre en tuant quelqu'un qui peut-être vous a violé, vous a privé de vos enfants, voilà, vous traite très mal, enfin, quand on lit Mary Prince, la violence, elle dit, elle a reçu tant de coups avec tant de formes, elle est capable de reconnaître la morsure du fouet. Voilà, il y a une souffrance du monde servile. Et dans le cas de Lucille, ce moment où on nous explique qu'elle a réussi elle a tellement maigri parce qu'elle n'est pas nourrie ou à peine, elle est dans ses déjections, elle demande un prêtre, on lui refuse un prêtre, le bracelet est resserré, il y a une cruauté extrême. On peut comprendre que dans des situations aussi monstrueuses, eh bien les gens agissent et essaient de survivre. Parfois, on est amené à tuer des gens parce que le niveau de maltraitance est tel que c'est votre vie qui est en jeu. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on peut le comprendre. Claude, paraissant âgé de 22 ans, baptisé, nègre esclave appartenant à Monsieur de Bègue, a été pris par des soldats de la garnison du bourg. Il a été marron un peu avant la fête de Dieu, à cause du commandeur de l'habitation de son maître qui a voulu le battre pour n'avoir pas fait fournir assez de canne au moulin. Télémaque, dit Congo Rouge, esclave de Madame Gaétan, et Hercule, tous deux marrons depuis 2 ans, ont entendu un homme monter la rivière en canot. Tous deux ont sauté dans ce canot et frappé à coups de sabre ce gendarme sur la tête et l'ont jeté à l'eau. Ils étaient décidés de tuer le premier qu'ils trouveraient. Il s'est retiré quelquefois au bord de la mer, a vécu de choux caraïbes pris dans les jardins des nègres, de crapauds qu'il a attrapés et de farine que les nègres lui donnaient quelquefois. Catherine, de l'habitation Cigouagne, négresse marronne, a dit que le nommé François se proposait d'aller sur l'habitation de Madame Algrin pour enlever la négresse Carbary et en faire sa femme. Et que de suite après, il aurait pillé les vivres de l'habitation du mulâtre Bagot. Il l'aurait incendié. Laurence, paraissant âgée de 25 ans environ, créole baptisée, négresse esclave du sieur Galet. Rendue marronne il y a environ 1 an, à cause de son maître qui avait brûlé sa case. Pour survivre, elle a volé des bananes et des figues jusqu'à ce qu'elle ait pu faire un jardin dans les bois. Nèg marron goumé pour liberté, y'a les répondants nous lever la voix. Nèg marron goumé pour liberté, pillé les assistances pour frapper l'homme. Nèg marron goumé pour liberté, y'a les tambouillés pour y'en jouer les cas. Nèg marron goumé pour liberté, y'a les assistances pour mon père Cadasso. Vous savez, la légende, c'est que dans la tête de tout le monde, on marronne, les marrons, les nègres marrons vivent dans les bois. Non ? La plupart des nègres marrons, ils sont en ville. Ils se noient dans la population. Ils sont pêcheurs, ils sont artisans, etc. Et en fait, ce sont des gens qui ont fui les habitations. Et parfois, ils sont reconnus par d'autres esclaves qui vont les dénoncer. Les habits de marronnage, effectivement, montrent que les esclaves, les maîtres, en fait, acceptent une période de marronnage assez longue. Les textes du XVIIIe siècle sont impressionnants parce qu'on a des lettres de colons qui sont sans doute acquis aux idées des Lumières et qui disent très clairement « c'est un état déjà extrêmement dur, et c'est inhumain de ne pas leur accorder des petits plaisirs et on sait bien, la première année, un esclave africain qui s'enfuit, c'est normal. On ne va pas le punir de manière excessive parce que, voilà, il est arrivé, nouveau territoire, il va essayer de rentrer chez lui. » De la même manière, on sait qu'un certain nombre d'esclaves ils se sont enfuis, mais ils vont derrière rentrer. Ils vont demander au curé, ils vont demander à la grand-mère du maître, ils vont demander à un voisin de plaider leur cause. Donc avant d'aller déclarer, il y a souvent un temps extrêmement long entre le moment où le marronnage a eu lieu et le temps de la déclaration. Les maîtres sont très conscients que Pour que le système fonctionne, il faut un peu de souplesse. Si on brutalise trop les esclaves, on aura une révolte. Musée Victor Schœlcher, Pointe-à-Pitre, Mathieu Dussauge. Voilà, il faut savoir qu'on a demandé au musée du Quai Branly de déposer certains objets qui sont des objets rapportés par Victor Schœlcher de ses différents voyages. Et notamment ce collier de marronnage, qui est donc un collier en métal qui pouvait s'ajuster autour du cou d'un esclave et dont partaient sur les côtés des branches qui étaient en fait destinées à ralentir la progression de l'esclave fugitif s'il cherchait à trouver refuge dans les bois, qui pèse à peu près 3 kg, 3,5 kg. Alors c'est surtout aussi un collier de punition et même d'humiliation, puisqu'on promenait les esclaves sur les marchés, bien sûr, avec ce genre de collier, pour montrer aux autres esclaves qui accompagnaient leur maître ce qu'ils risquaient en cas de marronnage, c'est-à-dire en cas de fuite de l'habitation. Celui-ci vient d'une habitation de Martinique. Schœlcher l'a collecté en 1840. Il encourage d'ailleurs beaucoup le marronnage. Lui, il a une position radicale qui dit que contre l'esclavage, toutes les formes de rébellion sont possibles et acceptables. Évidemment, il y a le spectre de Saint-Domingue qui planait au-dessus de tout ça, le traumatisme de Saint-Domingue, et que Schœlcher encourage à la rébellion distinctement comme ça dans ses écrits. Évidemment, ça l'a beaucoup décrédibilisé auprès des autres abolitionnistes. Il était extrêmement critiqué. Maître Grandpré, défenseur de Jean-Baptiste Douillard-Mahaudière. C'est une belle et noble cause, messieurs, que je viens défendre devant vous. Tout me dit que ma mission est grave et que c'est la cause du pays que je vais défendre. Si, il y a 20 ans, on vous avait dit que le témoignage mensonger d'une esclave, Lucille, suffirait pour amener sur le banc du crime un honnête homme, Monsieur Jean-Baptiste Douillard-Mahaudière, recommandable par une vie pleine d'humanité envers ses esclaves. Vous auriez repoussé cette sinistre prophétie. Le doute n'est plus permis. La prophétie s'est réalisée. Ses racines sont dans le pays. Son appui est en France. Elle offre, hélas, une sinistre perspective. La liberté à l'esclave. La faveur à l'homme qui n'a ni rang ni fortune. La destruction de la société actuelle. À force de lui présenter et d'agiter devant lui des chaînes qu'il porte sans effort et sans douleur, on éveille chez l'esclave le besoin de les briser. À l'engourdissement de son esprit résigné, on fait succéder l'esprit d'inquiétude, de désordre et de révolte contre l'autorité légitime du maître. À vous, messieurs les assesseurs, vous qui êtes du pays, car vous y avez vos intérêts les plus chers, n'êtes-vous pas comme lui, propriétaire d'esclaves ? Comme lui, n'êtes-vous pas humain ? Comme lui, n'êtes-vous pas riche ? Et par cela, indiqué à la haine des dénonciateurs. Si monsieur Mahaudière est condamné aujourd'hui, vous passerez tous à votre tour sur ce banc qu'il occupe. À la fin de la période esclavagiste, d'une part, les ordonnances donnent la possibilité aux esclaves de porter plainte, et il faut bien voir que le fait de porter plainte en justice a été une forme de résistance importante à la fin de la période esclavagiste. Dans le procès Douillard-Mahaudière, pour revenir au procès Douillard-Mahaudière, l'avocat fait tout un discours à un moment donné en disant « Dans cette salle, il y a des espions. Nous savons que ceux qui ont porté plainte ceux qui ont dénoncé l'enfermement de Lucile veulent détruire l'ordre esclavagiste, la société coloniale, au nom d'une société, en fait la société pour l'abolition de l'esclavage, et ils dénoncent très violemment cette action abolitionniste, dans la mesure où il y a quand même un nombre de procès assez important, qui à chaque fois ont une certaine publicité, qui montrent que des horreurs continuent à être commises dans les habitations, contrairement à ce qui est souvent dit. Donc, c'est un élément du discours abolitionniste très important. Victor Schœlcher, qui est de passage dans la Caraïbe à ce moment-là, va entendre parler de ce procès et il va en faire vraiment un exemple de ce qu'il appelle l'injustice coloniale et qu'il va dénoncer dans plusieurs ouvrages en essayant de collecter toutes ces affaires qui mènent à chaque fois donc à l'acquittement de ces maîtres blancs. Il présente comme un fantasme des abolitionnistes le fait que l'on maltraite les esclaves. On ne maltraite pas les esclaves puisqu'on en a besoin, on les a payés suffisamment cher. D'ailleurs, ils sont plutôt mieux traités que nos ouvriers qui travaillent dans les mines en France. Donc ça, c'est une litanie permanente, ce discours des colons. Et l'un des objectifs de Schœlcher en venant dans la Caraïbe, c'est justement de montrer que cette violence, elle s'exprime en permanence envers les esclaves par l'injustice qui leur est faite, mais aussi par les mauvais traitements, etc., que l'on peut trouver sur les habitations. La tendance dominante, c'est adoucir. C'est pas abolir, mais adoucir. Adoucir l'esclavage. Vous avez des enquêtes, par exemple, qui sont commandées par la monarchie. En 1840, on fait une inspection de toutes les habitations de Guadeloupe et Martinique pour voir où est la réalité de l'esclavage. Et là, on est surpris par les rapports des procureurs qui vous révèlent que l'esclavage est encore très présent et bien pire qu'on pouvait l'imaginer, alors qu'on est tout près de l'abolition. Donc, ce qui prouve jusqu'au bout, le système a été extrêmement coercitif. Vous avez plus de gens qui militent pour le maintien ou la réforme de l'esclavage que des gens pour l'abolition. Hein. Même un type comme Schœlcher, il faut attendre 1842-43 quand il finit par faire un ouvrage qui s'appelle « Abolition immédiate de l'esclavage ». Mais Schœlcher, c'est quelqu'un qui, encore en 1840, vous dit « Je peux pas dire que les Noirs seront un jour les égaux des Blancs, avec cette manie qu'ils ont de porter des fardeaux sur la tête qui leur écrasent le cerveau, et puis tout ce soleil qui leur pèse sur la tête, ils pourront pas devenir les égaux des Blancs. » Schœlcher, c'est ce qu'il écrit en 1840. Bon, 2 ans après, il prône l'abolition immédiate. Mais il faisait partie de tous ces gens qui disaient « Ouais, il faut faire une abolition progressive, faut commencer par les enfants. » Et attendre que la génération meure, et puis comme ça, ça va se faire sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Schœlcher, qui jusque-là était partisan d'une abolition plutôt progressive sur le modèle britannique, après ce voyage dans la Caraïbe, où il a pu voir la mise en place de cette abolition progressive de l'esclavage dans les colonies anglaises, opte pour une abolition radicale, puisque pour lui, l'abolition progressive, c'est encore de l'esclavage, finalement. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité, décrète que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits. Fait à Paris, en Conseil de gouvernement, le 27 avril 1848. C'est important de comprendre dans quel contexte arrive ce décret d'abolition. Il arrive dans une période de l'histoire qui est un peu complexe, qu'on pourrait appeler une fenêtre de l'histoire dans laquelle tout devient possible et qui va se refermer en fait très rapidement juste après. Donc on est au début 1848, en février la révolution éclate à Paris et va mettre en place un gouvernement provisoire. À la tête de ce gouvernement provisoire, on trouve le poète Lamartine et on a également François Arago qui est un scientifique et qui va donc être ministre de la Marine et des Colonies. C'est le moment où Schœlcher revient de son dernier voyage qu'il a entrepris au Sénégal. Et donc il va immédiatement rencontrer François Arago, qui est un ami, quelqu'un qu'il fréquente déjà, et notamment dans les loges maçonniques, et qu'il va rencontrer donc le 3 mars, juste après les événements de février, pour lui demander de profiter en fait de cette opportunité de cette Seconde République pour abolir définitivement l'esclavage. Et là, il y a une discussion assez complexe. Arago, d'ailleurs, en parle dans ses mémoires un peu après. Lui-même n'était pas favorable à une abolition immédiate, mais à une abolition progressive sur le modèle britannique. Et Schœlcher parvient à le convaincre. Schœlcher, c'est un peu l'abolitionniste incontournable en France à ce moment-là. Et il va persuader Arago en quelques heures dans son bureau. Et dès le 4 mars, le gouvernement provisoire édite un premier décret qui déclare que nulle terre française ne peut plus supporter d'esclaves. Voilà. Dans la traduction, c'est faire des esclaves des citoyens français à partir de la promulgation du décret, donc avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va pouvoir obtenir. Par contre, il va devoir renoncer à un certain nombre d'aménagements importants, et notamment celui de l'indemnisation, puisque le décret va prévoir l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, mais non pas des esclaves. Et là, il faut rendre justice à Schœlcher sur ce point de l'histoire, c'est qu'il s'est battu véritablement des comptes rendus de commissions qui le prouvent, pour que le gouvernement provisoire vote également une indemnisation des esclaves, sous forme de l'attribution d'un lopin de terre notamment, et le gouvernement provisoire va refuser cet amendement. Donc des sacrifices en fait sont faits, et les sacrifices sont faits sur le dos des esclaves bien sûr, qui donc ne seront pas indemnisés, alors que tous les maîtres recevront une indemnisation de la République française pour pouvoir se séparer de leurs esclaves. Les esclaves n'ont jamais été indemnisés, et effectivement, c'est un débat qui est toujours criant, parce que aujourd'hui encore, les principaux propriétaires terriens, Martinique surtout, mais aussi en Guadeloupe, sont souvent des descendants de ces grands maîtres, de ces grands propriétaires. Entre deux abolitions. L'émancipation des esclaves. Avec René Bellénus, Dominique Rogers, Éric Noël, Gérard Lafleur, Mathieu Dussauge, Caroline Houdin-Bastide. Isbert Calvados lit ses poèmes, extraits de son recueil La guerre de Guadeloupe. Archive INA, Véronique Jolivet. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Lecture du procès de la Mahaudière, Yasmine Modestine et Mexianu Medenu. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Saint-Domingue, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.